Direct, j'tourne un coup de pro. Ça vient de la cuisine, des races poutines. Ma signature. Ouvre la porte que je viens de foutre le bordel dans la bergerie. Tu veux cloner un marocon cap, direct la supercherie. Hostile et trocherie, mais j'en parle pas les chéris. Non, j'm'en parle pas les comme des balais d'MC. On va ici, viens donc voir par ici. Comme on rap n'est pas ici, non, c'est pas par ici. Mais pourtant ma zik est magique, t'imagines pas le talent. Belgique, tu perdras talent quand t'entendras rapper les MC techniques comme les Catalans. Je viens provoquer les catombes, les gatombes ou marchent à l'ombre quand ils croisent nous dans la pénombre. Nombreux sont les MC qui ne sont pas à ma taille. Go trip style, j'tape un sale beat, tape et dira kai yo. Kai kai font les chiens quand ils veulent la bataille. Et je leur dis bye bye les gars, c'est pas moi qui range la pagaille. Un coup de pagaille, je fais pas du rap bien. Ni dans le rap game, je veux pas t'épater. C'est pathétique MC, je veux pas ta sextape. À peine je débarque direct, je donne un coup de croc. Je viens, je donne à bouffer au rap et ses accros. Qui veulent des beats et des hits et des lignes et des rimes d'adultes. Alors je kick, qui fait triper l'équipe sur les rythmes de ma plume. Là, à peine je débarque direct, je donne un coup de croc. Tu penses qu'ils claquent, mais en fait, ils chantent tous faux. Qui veulent des beats et des hits et des lignes et des rimes d'adultes. Je le rends livre, lui a prouvé avec ma signature. J'ai la rime facile, fils à mon stylophile, fils et oui. Je défie les vilains, s'il est faux, mille vis. C'est vite que je claque ça, c'est weed mais je n'ai pas que ça en stock. Pour kicker salement la prod, demande à mes potes. J'ai l'argent magique, fils, ça. Frérot, j'ai la vista rose, n'est pas ma pro, c'est plutôt gris sale. C'est à l'abri de la lumière que j'écris ça, que j'exprime mon art, tout ce que vous appelez de la musique de primate. J'suis pas là pour l'audimat ou qu'on m'attend Audi. Pas de palace dans mes clips, mais j'vis pas non plus dans un taudis. Ouais, fais place, j'arrive avec du lourd, un peu d'humour, de la mauvaise humeur. Voilà la signature du loup, tu feras en parler, car j'aime la franchise. J'te préviens, y'a des bandes qu'il ne faut pas que tu franchisses. Non, c'est pas un clash, j'ai pas le temps pour ces futilités. J'rap cache-moi, casse-toi si tu as peur de la vérité. Ben, j'débarque direct, j'donne un coup de croc. J'viens, j'donne à bouffer au rap et ses accros. Qui veulent des beats et des hits et des lignes et des rimes d'adultes. Alors je kick, fais triper l'équipe sur les rythmes de ma plume. Là, à peine j'débarque direct, j'donne un coup de croc. Tu penses qu'ils claquent, mais en fait, ils chantent tous faux. Qui veulent des beats et des hits et des lignes et des rimes d'adultes. Je le rends livre, lui a prouvé avec ma signature. Voilà la signature du loup. Voilà la signature du loup. J'ai pas la voix de Barry White. Quand je rappe t'inquiète, ça pétit comme le Pride. Bye. Bye. Bye bye les gars, c'est pas moi qui range la pagaille. Voilà la signature du loup. Que plus personne n'ignore ça. Proteste contre les rap grotesques. Bye bye les gars, c'est pas moi qui range la pagaille.